Pour dire nous au présent, on emploie la terminaison iamo. La terminaison d'un verbe, c'est sa partie finale. Donc, avec tous les verbes, c'est iamo. Par exemple, nous parlons se dit parliamo. Parliamo, c'est ça. Et nous restons restiamo. Restiamo. Et nous partons partiamo. Partiamo, oui. Aller se dit andiamo. Andiamo, c'est nous allons. Aller se dit andare. Et nous allons encore une fois andiamo. Andiamo, voilà. Andiamo s'emploie beaucoup en italien parce que c'est un mot très utile. Il peut avoir plusieurs sens. Andiamo peut vouloir dire nous allons. On peut dire par exemple andiamo a comprarlo. Nous allons l'acheter. C'est-à-dire nous sortons pour l'acheter. Nous sommes en chemin pour l'acheter. Andiamo a comprarlo. Andiamo peut vouloir dire aussi allons dans des phrases comme allons manger. Comment diriez-vous ça, allons manger? Andiamo mangiare. Après le verbe aller, il faut Mais oui, c'est ça. Andiamo a mangiare. Bien, andiamo a mangiare. Allons manger. Nous mangeons, se dirait mangiamo. Mangiamo, tout à fait. Et comment dites-vous mangeons? Mangiamo. Mangiamo, oui, mangeons, mangiamo. Commencer se dit cominciare, avec un i, c-o-m-i-n-c-i-a-r-e, cominciare. Et donc, comment diriez-vous, je commence maintenant? Comincio ora. C'est ça, comincio ora. Et à quelle heure commencez-vous? À quelle ora? À che ora? À che ora comincia? Attention, c'est un i, pas un e. À che ora comincia? À che ora comincia? À che ora comincia? Et maintenant, dites-moi, à quelle heure commencerez-vous demain? À che ora cominciare domani? Répétez le verbe, s'il vous plaît, en faisant attention à l'accentuation. Cominciare. Cominciare. Cette fois-ci, l'accentuation est bonne. Mais c'est la terminaison qui n'est pas la bonne. Cominciare est un verbe en are. Donc, je vois. Comincera. Très bien. Comincera. Laissez-moi faire une petite remarque maintenant sur cominciare. Comincera s'écrit sans le i de l'infinitif cominciare. Donc, on a comincera, C-O-M-I-N-C-E-R-A, accent grave. C'est une particularité de tous les verbes en ciare. Mais à l'oral, l'absence ou la présence du i ne se remarque pas. Donc, on avait « à quelle heure commencerez-vous demain ?» qui se disait « à che ora comincerà domani ?» On pourrait dire aussi « à quelle heure commencez-vous demain ?» Comment direz-vous ça ?« À quelle heure commencez-vous demain ?» « À quelle heure commencez-vous demain ?» C'est-à-dire un présent, puisqu'on peut pratiquement toujours employer le présent pour parler d'un événement qui va se dérouler dans un avenir proche. Donc, comment dites-vous « à quelle heure commencez-vous demain ?»« À quelle heure comincia domani ?»« À quelle heure comincia domani ?» Voilà. Et comment diriez-vous « commençons » Cominciamo. Oui, cominciamo. Rappelle-moi comment on dit « je veux savoir ». Voglio sapere. Voglio sapere, exact. Et maintenant, traduisez-moi « je veux savoir à quelle heure ça sera prêt ». Voglio sapere a che ora... Sera, qui se dit presque de la même façon dans les deux langues. Sarà. Très bien. Voglio sapere a che ora sarà prêt. Pronto. Bien. Voglio sapere a che ora sarà pronto. Je vais se dit... Vado. Vado. Vous allez, il va, elle va, c'est tout simplement... Va. Va, oui. Donc, où allez-vous se dit... Dove va. Dove va. Et où allez-vous être ce soir? Dove sarà stasera. Voilà, très bien. C'était un piège. Dove sarà stasera?